putain de boomer. Ces vieux cons gavés, ils croient tout savoir. Ils sont dépassés, leur époque dorée, ils l'ont massacré, nous laissant des ruines, des rêves éclatés. Ils parlent de travail, de sueur et de peine, alors qu'ils se dorment. Sans souci ni chaîne, ils nous traitent de fainéants, de bons à rien, en se la poulant douce, un verre à la main. Boomer égoïste, vous nous faites chier. Vos conseils pourris, on va les brûler. Vous avez tout pris, rien à partager. Vos valeurs moisies, faut les dégager. Leurs promesses de mère, on les connaît bien. Ils disent qu'on est jeune, qu'on n'y comprend rien. Mais leur monde foutu, c'est nous qui payons pour leur connerie. On paie l'addition. On fera sans vous, on ira plus loin. Vos règles le pourries, il n'y en a pas besoin. Gardez bien vos thunes, on vit au présent. L'avenir, c'est nous, vous êtes des mourants. Boomer égoïste, vous nous faites chier. Vos conseils pourris, on va les brûler. Vous avez tout pris, rien à partager, vos valeurs moisies, faut les dégager.